veux pas tes mots haineux. Car quand tu m'aimes, c'est vénéneux, c'est mortel. Quand on est deux, c'est le bordel. La haine n'est pas innée, mais se propage, t'as pas idée. Même contre volonté, elle s'accroche à tes pensées. Trop de haine, on s'aime de tout notre cœur. La rancune, le manque de thunes, la rancœur et la peur. J'suis pas dans la rage où je suis plus. J'ai fait barrage, y'a pas d'issue. J'ai négocié le virage. J'suis plus dans la cage, j'suis au-dessus. J'ai fait naufrage, j'en suis revenu. J'ai dû finir à la nage. Les colères s'abattent comme le tonnerre. Ça se gâte, c'est la guerre, pourtant je la tolère. Sans prendre ma dose de vénère. J'suis plus là-dedans, aime ton prochain comme tu veux. J'ai plus aucun plan pour aller mettre le feu. J'te donne la haine comme ça, vous serez tous les deux en intimité. Avec ton hostilité, yeux dans les yeux. On s'aime un peu, on s'aime beaucoup. On s'aime passionnément à la folie. On s'aime un peu, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup d'amour dans toute cette haine. On s'aime un peu, on s'aime beaucoup. On s'aime passionnément à la folie. On s'aime un peu, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup d'amour dans toute cette haine. La haine de la haine, mais qui tient les rênes? Qui t'engraine dans cette violence humaine? Cette merde n'en vaut pas la peine. Comment mettre un terme à cette guerre interne? À ce futur terne, le bien le mal te berne. Dur d'aimer quand on est ce que l'on est. Dur d'aimer alors qu'on voudrait ne pas être né. Je peux pas te quitter haine, mais je peux t'éviter quand même. Tu fais pitié haine et je ne veux plus de tes problèmes. Et si tu m'aimes par amour, va donc en voir un autre. Tu m'as pris mon humour, m'as laissé dans la faute. Y'a une sortie de secours qui souvent est fermée. En plus à double tour, heureusement j'ai la clé. Je suis celui qui pense avant d'agir, celui qui préfère réfléchir. Mon esprit a dû s'affranchir afin d'éviter le pire. Arrête un peu avec moi haine s'il te plaît. On en revient toujours au même, je te hais. On s'aime un peu, on s'aime beaucoup. On s'aime passionnément à la folie. On s'aime un peu, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup d'amour dans toute cette haine. On s'aime pour rien, parfois elle est gratuite. On s'aime, on s'aime, on s'aime. On s'aime pour rien, elle est toujours fortuite. On s'aime, on s'aime pour rien, parfois elle est gratuite. On s'aime, on s'aime, on s'aime. On s'aime pour rien, elle est toujours fortuite. On s'aime. On s'aime un peu, on s'aime beaucoup. On s'aime passionnément à la folie. On s'aime un peu, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup d'amour dans toute cette haine. On s'aime un peu, on s'aime beaucoup. On s'aime passionnément à la folie. On s'aime un peu, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup d'amour dans toute cette haine.